Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le nucléaire en France, ça marche du feu de Dieu, enfin presque, et tous les partisans du nucléaire se disent que tout va bien dans le meilleur des mondes tant que ça ne pète pas. C'est peut-être oublier un peu vite la question des déchets nucléaires. Et oui, le nucléaire, ça produit des déchets. Un extrait de l'un des morceaux les plus célèbres de Kraftwerk, Radioactivitat. C'était en 1975, vous en parlez dans votre préface. Erwan Benezet, préface de ce livre, Nucléaire, une catastrophe française. Vous avez raison d'avoir peur et c'est publié chez Fayard. Erwan Benezet, la question des déchets nucléaires, elle se pose tout d'abord d'une manière extrêmement aiguë sur un site, le site de La Hague, avec une alerte récente. Qu'est-ce qui se passe à La Hague ? Alors, à La Hague, c'est un site, il faut le rappeler à nos auditeurs, qui entrepose et retraite les déchets. En fait, une fois que le combustible a été utilisé dans les cœurs de réacteurs, qu'ils ont produit l'énergie nucléaire qui sert à fabriquer l'électricité, ces combustibles sont extraits des réacteurs et sont ensuite entreposés, alors, dans les piscines qui sont près de chacun des 58 réacteurs réunis dans les 19 centrales du parc nucléaire français, puis ensuite transportés dans d'autres piscines à La Hague avant d'être retraités. Le problème de ces piscines, c'est qu'elles ont été dimensionnées de façon à accueillir les déchets nucléaires, la production de déchets nucléaires pour 40 ans, c'est-à-dire la durée de vie officielle des réacteurs, cette durée de vie pour laquelle ils ont été construits. Alors il faut savoir que dans les 10 ans, d'ici 2028, 48 des 58 réacteurs nucléaires arriveront à la fin de leur durée de vie officielle. Cela pose un problème d'entreposage et de retraitement de ces combustibles. Mmh. On ne sait presque plus quoi faire de ces combustibles. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, il reste à La Hague 7% d'espace pour accueillir du nouveau combustible. À partir du moment où cet espace aura été rempli, on ne pourra plus accueillir, ni dans les piscines des réacteurs, ni dans les piscines de La Hague, un seul kilogramme d'uranium, de combustible usé supplémentaire. Très bien, dans ce cas-là, on peut construire de nouvelles piscines. Alors, on peut effectivement construire de nouvelles piscines, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, ça coûte très cher. Ensuite, il y a des problèmes aujourd'hui grandissants d'acceptabilité, d'acceptation de la population. On a un petit peu cette, ce que j'appelle moi, jurisprudence Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même de plus en plus compliqué aujourd'hui de créer, de construire des sites sensibles. Et les piscines nucléaires en font partie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le président Emmanuel Macron, lors de la présentation du projet PPE, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie, sorte de plan de vol pour les 10 prochaines années de la stratégie énergétique en France, il indique que tout nouveau nucléaire, si on construit encore de nouveaux réacteurs, ça se sera fait sur les sites existants. Mais il y a un problème de place. C'est la raison aussi pour laquelle EDF, depuis quelque temps, on en a parlé dans les pages du Parisien aujourd'hui en France, EDF rachète des terrains autour des centrales pour accueillir le nouveau nucléaire et donc des sites des piscines, des sites d'entreposage supplémentaires. Est-ce que les déchets présentent un danger spécifique, Erwan Benezet ? Alors vous pensez que oui, puisque vous écrivez un livre dont le sous-titre nucléaire, une catastrophe française, et vous avez raison d'avoir peur. Alors, je dirais que les déchets, comme la technologie nucléaire, oui, c'est une technologie extrêmement sensible qui ne souffre d'aucune approximation. Pour les déchets, c'est la même chose. Bien traité, avec suffisamment de paramètres liés à la sécurité et à la sûreté, on pourrait se dire que ça ne présente pas de danger outre mesure. Simplement, l'industrie nucléaire aujourd'hui a évolué de telle sorte que le niveau de risque, selon moi, en tant que journaliste, depuis la dizaine d'années que je couvre ce secteur, ce niveau de risque a augmenté. Alors, je parle de la sûreté, c'est-à-dire quand vous avez du combustible qui est encore chaud, c'est-à-dire qu'il émet de la radioactivité, on l'entrepose sous l'eau, parce que l'eau, d'abord, protège des radiations, c'est une barrière très efficace. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de refroidir ce combustible qui est chaud de manière thermique, c'est-à-dire il a une température élevée, et il est chaud au niveau nucléaire, c'est-à-dire qu'il émet beaucoup de radiations. Il faut beaucoup d'eau. Alors, ce sont des grandes piscines hein, de la taille. Alors après, ça dépend de ce qu'on entrepose, mais il faut 5 à 7 mètres d'eau au-dessus du combustible pour fournir une barrière qui soit suffisante. Et le combustible, est-ce que ça représente une masse importante pour faire tourner une centrale ? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée ? Alors, ça dépend de la puissance des réacteurs. Hein. Les 34 réacteurs de première génération font 900 mégawatts. L'EPR, celui qu'on est en train péniblement de construire à Flamanville, et avec un coût très très élevé, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 11 milliards d'euros, eux font 1600 mégawatts. Mais la taille du combustible, alors, en fait, on appelle ça des crayons. Donc, vous mettez différents crayons. Alors, le combustible, de manière unitaire, c'est guère plus gros que, bah, effectivement, qu'un crayon ou qu'un gros feutre, mais ensuite en fait vous accumulez des tiges de combustible que vous insérez à l'intérieur du cœur du réacteur. Et l'ensemble donc produit effectivement beaucoup de déchets. Et si on ne va pas se promener sur ce site qui stocke des déchets, est-ce qu'il y aurait des risques particuliers ? On a parlé de pollution des nappes phréatiques, on a parlé de fissures dans les piscines. Qu'en est-il selon vous, Erwan Benezet ? La crainte qui est posée avec ces piscines qui sont quasiment pleines à ras-bord, c'est encore une fois de baisser le niveau de sûreté. C'est-à-dire, dans l'urgence, et urgence il y a, EDF se retrouve avec l'incapacité d'entreposer de manière correcte le combustible, et qu'elle prenne un petit peu des moyens d'urgence, ce qui pourrait poser problème. Il y a un autre souci, en fait, qui concerne à la fois les réacteurs, mais également donc ces fameuses piscines, c'est la protection contre des risques extérieurs. C'est par rapport à la sûreté qui est le risque d'un accident lié à une perte de contrôle du processus nucléaire. La sécurité, c'est des agressions extérieures et en premier lieu, le risque terroriste. Il faut savoir que le parc nucléaire français, ainsi que ses piscines d'entreposage, a été conçu alors conçu dans les années 60 à partir d'une technologie américaine Westinghouse, est construit dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire à peu près en une vingtaine d'années, ce qui est une aventure industrielle absolument incroyable. Simplement, ça a été conçu à une époque où le risque terroriste n'existait pas, en tout cas il n'existait pas comme on le connaît malheureusement aujourd'hui. Alors EDF se targue d'avoir fait des améliorations, hein, des travaux, mais au regard du risque terroriste qu'on connaît aujourd'hui, ces travaux semblent insignifiants par rapport à ce risque. Que pourraient faire les terroristes ? Alors, j'ai en tête notamment quelque chose qui a un petit peu frappé la population, c'était en 2014, c'était il n'y a pas longtemps. Vous avez eu pendant plusieurs mois des survols de drones des centrales nucléaires. Aujourd'hui, officiellement, on ne sait pas qui pilotait ces drones. On n'a pas pu retrouver aucun de ces drones. Ça veut dire que vous avez des appareils volants qui ont été capables de survoler des sites hautement sensibles, les centrales nucléaires, mais aussi leurs piscines, peut-être prendre des photos, repérer les lieux. Il faut savoir que les drones sont aujourd'hui de plus en plus puissants. Ils peuvent aussi être associés à plusieurs. On imagine le pire, mais ils pourraient tout à fait larguer une substance explosive, par exemple. Mais est-ce que les centrales ne sont pas protégées contre ce type d'explosion ? Elles le sont insuffisamment. Comme ces centrales et le parc nucléaire a été conçu, comme je le disais, dans les années 60, on a protégé essentiellement les centrales contre les risques liés à la sûreté, mais on a très peu dimensionné ces centrales et leurs piscines par rapport à la sécurité. Et donc aujourd'hui, vous avez des centrales qui... Alors, je ne veux pas donner de mauvaises idées, hein, mais ce sont des choses qui sont déjà publiques, mais il suffirait d'un lance-roquette tiré à quelques centaines de mètres d'une centrale pour pouvoir atteindre l'un des murs. Il faut par exemple rappeler que Greenpeace, il y a quelques mois, a fait écraser un drone, certes en plastique, déguisé en Superman, sur le mur d'une de ses piscines pour montrer la vulnérabilité, car l'accessibilité par ces engins volants. Autre question qui se pose, c'est la question liée au centre donc de stockage des déchets de Bure. Alors là, il y a beaucoup de place. Et qu'est-ce qui peut justifier qu'on s'oppose à ce centre de stockage de déchets, Erwan Bédézé? Alors, ça, c'est l'étape suivante. Une fois que vous avez entreposé dans les piscines et fait refroidir le combustible, vous le traitez, vous le vitrifiez, hein, vous le mettez à l'intérieur d'un verre pour que, justement, il ne puisse plus émettre vers l'extérieur des radiations. Et la solution, l'option qui a été choisie par les pouvoirs publics aujourd'hui, c'est d'enfouir ces déchets à 500 mètres sous le sol, donc effectivement sur le site de Bure. C'est le site qui a été choisi car c'est un site argileux qui évolue assez peu dans le temps. Attention, on parle de centaines, de milliers d'années. Et donc l'idée, c'est de l'enfouir à une grande profondeur, puis de refermer et de ne plus s'en préoccuper. Ce qui inquiète les populations et effectivement les personnes qui peut-être les antinucléaires, parce que une fois que c'est enfoui, si par exemple vous avez un incendie qui se déclare, il est très très très compliqué de réaccéder dans les galeries que j'ai visitées. Hein, c'est assez impressionnant. Vous prenez un ascenseur un petit peu comme le faisaient les mineurs. Vous descendez pendant plusieurs minutes. Moi qui suis un peu claustrophobe, j'ai pas du tout aimé. Et puis ensuite, vous avez l'impression d'être dans un métro en construction. Ce sont des tunnels très très larges où effectivement deux métros pourraient se croiser. Et puis là, vous avez des sortes de silos de part et d'autre qui sont creusés pour accueillir ces déchets par la suite. Et alors, dans ces conditions, on peut imaginer qu'ils offrent des conditions de sûreté et de sécurité suffisantes? Ce qui inquiète ceux qui sont contre cette méthode, c'est l'idée que finalement on mette un petit peu la poussière sous le tapis et qu'ensuite on ne s'en occupe plus et qu'on laisse à nos descendants des matières extrêmement dangereuses sous le sol et qui pourraient... Voilà, personne ne sait comment évoluera le territoire, le sous-sol, puisqu'on est sur un temps très très long, dans les milliers d'années à venir. Et c'est comme laisser une sorte de bombe potentielle à quelques centaines de mètres sous nos pieds. En dehors de ça, et il y a beaucoup d'annonces en ce moment sur le nucléaire. On parle d'arrêter un certain nombre de centrales. Disons par exemple que l'on arrête les plus vieilles, Fessenheim va être arrêté, ça c'est une promesse présidentielle. Est-ce que ça n'est pas de nature à rassurer tous ceux qui pensent que justement le nucléaire est une industrie, est une technologie dangereuse, comme vous, Erwan Bédézé? Bon, vous savez comme moi, vous connaissez l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On sait que quand on annonce sur un temps long une sorte de plan, une programmation sur non pas seulement un quinquennat, mais deux, voire trois, les choses peuvent changer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, hier, j'étais à la présentation presse de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, et quand il parlait de Fessenheim, il nous disait, les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, hein, qui, je le rappelle, est donc la centrale la plus vieille en France, elle a été construite en 1978, ces deux réacteurs seraient arrêtés sans doute d'ici à 2020. Et le sans doute déjà, qui lui a, semble-t-il, échappé, veut déjà dire pas mal de choses. Ensuite, effectivement, on peut s'intéresser, alors c'est l'histoire de la bouteille vide et à moitié pleine, on peut s'intéresser aux 14 réacteurs, mais qui sont pour la plupart conditionnés à différentes choses, à la place et à la capacité de production du renouvelable, aux interconnexions avec nos pays voisins, à l'évolution de la consommation, etc. etc. Et à côté de ça, le président de la République Emmanuel Macron et François de Rugy ont annoncé la possible création d'un nouveau nucléaire. à partir de 2020 ou de 2021. Il a laissé une brèche, une porte ouverte à EDF pour qu'il puisse se lancer dans des EPR nouvelle génération. Alors, a priori, puisque l'EPR aujourd'hui coûte extrêmement cher, ça serait un EPR à coût réduit, pour ne pas dire un EPR low cost. Et comment baisser les coûts? C'est certainement en faisant baisser un peu les niveaux de sûreté et de sécurité. Et la deuxième option, c'est de construire des EPR beaucoup plus petits. On appelle ça, dans le langage technique, des SMR, des Small Modular Reactors. Ce sont des réacteurs de moins de 300 MW modulaires. Donc, on peut assembler en partie en usine, ce qui permet de faire baisser les coûts et ensuite de les installer sur les sites. Mais ça veut dire, finalement, éparpiller encore plus le risque nucléaire en France. Ce qui veut dire que finalement, on fermerait des centrales pour en ouvrir d'autres. Alors, c'est tout le paradoxe de ce qui a été présenté mardi par le gouvernement. Il faudrait vraiment qu'on m'explique comment, d'un côté, on parle de fermer des réacteurs parce qu'ils arrivent en fin de vie. À côté de ça, on parle de prolonger des mêmes réacteurs, puisqu'ils ont tous été construits sur le même modèle et quasiment à peu près en même temps. Et à côté de ça encore, troisième option, de construire de nouveaux réacteurs. Et là, il y a pour moi une logique industrielle, commerciale, économique et peut-être sanitaire, y a des logiques qui s'entrechoquent. Merci beaucoup, Erwan Benezet. Je rappelle le titre de votre ouvrage Nucléaire, une catastrophe française. Vous avez raison d'avoir peur. C'est publié aux éditions Fayard. Merci. Superfell a été piétiné par Anaïs Isebaer, à la production gâchée par Alex Dang, à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.